L'amateur de mots, par Léo Larguet. Je l'avais rencontré, cet étrange vieillard, un vif matin d'hiver, sur les quais, en train de marchander un antique codex. Il était chaudement vêtu d'une houppelande fourrée, sa barbiche blanche était relevée par le vaste col fauve, des lunettes d'écaille chevauchaient son nez fin et busqué, et il avait le teint de cire que quand un métis donna à ses peseurs d'or. Lorsqu'il m'aperçut, son livre sous le bras, et sans me connaître, il me fit tout de suite part de sa joie. « Excusez-moi, monsieur, mais puisque vous bouquinez, vous devez aimer les mots, et je viens de trouver tout un trésor. » Je répondis par quelque insignifiante phrase polie, affirmant que les beaux mots m'intéressaient plus que tout au monde, et nous fîmes ensemble des pas au bord de la Seine. Devant une ancienne maison à haute fenêtre, mon compagnon s'arrêta et me dit « Monsieur, regardez ma demeure. Quand vous voudrez voir mes mots, je suis chez moi après dîner, c'est-à-dire à 6 heures, car je prends mon repas du soir à 5 et je me couche à 8. » L'hiver passa. Un soir de printemps, avant l'été, dont la guerre devait fouler les blés, je fis visite au vieillard. Il vint ouvrir lui-même et me reconnut tout de suite. En traversant l'antichambre tendue de lourdes étoffes, je pus voir un vieux domestique en train d'ôter le couvert dans une minuscule salle à manger. J'eus le temps de distinguer que ce serviteur portait un plateau chargé de pots de cristal contenant des tranches de coing, des abricots confits et du miel. Ce devait être là, avec quelques potages et un blanc de volaille, tout le dîner frugal et délicieux du vieillard. Il souleva une portière. Une bibliothèque faisait le tour de la pièce et au-dessus du dernier rayon, il y avait des vitrines, des vases et des statuettes. Il y avait aussi un grand nombre de cadres petits, creux et capitonnés comme des écrins. Dans chacun brillait une pierrerie, une fleur sèche ou une médaille, et je lisais vaguement des noms sur des étiquettes. « Ah, vous êtes venu voir ma collection !» commença-t-il. « C'est une manie qui vaut les autres. J'ai des faïences, des pierreries, des médailles, un herbier, mais ce qui m'intéresse seulement, ce sont les noms de ces choses. » Je ne voudrais pas d'un joyau de sultane qui porterait un nom banal. Je crois que personne n'aime plus les mots que moi. Il y en a que je déteste aussi. Lorsque j'étais enfant, je me laissais punir plutôt que de prononcer certains dont j'avais horreur. Mais il y en avait de si beaux. Tenez, au-dessus de cette pierre violette, voyez, améthyste. Et celui-ci, chrysoprase. Je n'ai qu'à dire cristal et soudain j'ai froid. Un paysage de rêves et d'hiver se développe. Un jardin de corail blanc et de gel monte, immaculé, minéral. Et les simophanes, ne croyez-vous pas, en disant ce mot, que la pierrerie fond dans votre bouche en liqueur d'ambre? Il y a encore des noms de plantes qui me troublent. Les balsamines, la valériane, les jonquilles. D'autres aussi admirables. Et vous ne pouvez pas savoir ce que j'ai imaginé le jour d'été où je lus dans un parterre du jardin des plantes, à côté d'une jeune femme rousse, trop parfumée, à midi, cette étiquette « Émirocale fauve ». Et l'antiquité, monsieur, quel fabuleux trésor! Lorsque je murmure Diane, le monde disparaît. Il n'y a qu'un arbre en fleurs vaporisé de clair de lune sur un mont vierge. Une eau glacée, coule, invisible, et un grand cours svelte, surnaturel et nu, descend le sentier en pente. Les jours où Byzance m'attire, je n'en sors pas. Les ors jaunes des dalmatiques, les haines de l'hippodrome, la pompe des basiliques, les parfums de Théodora, tout cela m'environne, pourvoilu dans quelques bouquins écornés, paléologues, Constantin Porphyrogénète ou Jean Ducas Sébastocrator. Si je dis Corinthe, une ville blanche apparaît sous des lauriers de bronze et des femmes couronnées de pampres défilent. Tout le mystère des métaux tient dans ce nom Golconde. Et je n'ai pu relire la Vérénice de Racine ce matin parce que j'ai rencontré Césarée au bout d'un verre. J'ai fermé le livre et j'ai vu longtemps l'obscure silhouette de Titus accoudé au rempart crayeux et chaud sous le soleil. Le vieillard, que j'écoutais avec surprise et intérêt, me montra dans un angle une couronne de noms autour d'un crucifix d'ivoire d'un travail italien. Je lus Tibériade, Idumée, Magdala, Bethphagée. Et mon hôte absorbé ne me répondit point, puis comme s'il revenait de très loin. Et que dites-vous de Singapour et de Bénarès? Sentez-vous l'odeur formidable de l'Asie, l'odeur des soirs d'été dans une ville que dévaste le choléra. Il y en a, c'est à désespérer. Je n'ai qu'à fermer les paupières et dire les grandes migrations pour voir défiler sur l'horizon d'un désert la cohue des hordes. Je distingue tout, les chevilles grossières au bois des chariots, les enfants au dos des femmes, les blessures des pieds, la beauté animale des yeux. Je sens la terrible odeur des vierges robustes et sauvages, le parfum de plusieurs milliers de chevelures, plus fort que celui des forêts automnales. Je pourrais écrire 10 volumes sur chacun des mots dont je vous parle, et à côté de ceux-là, j'en aime de pauvres, de bas et de vils. Il y en a un que je ne prononce jamais, parce qu'il est merveilleux, et qu'il possède un charme magique. « Je connais votre nom, monsieur. Je sais que vous écrivez. Revenez me voir. » Je vous dirai des choses curieuses. Je vous parlerai de la splendeur que le pluriel confère aux mots. Personne ne s'en doute exactement. Revenez. Et maintenant il est 8 heures et je vais aller dormir. Lorsqu'après l'armistice, je voulus revoir cet étrange amateur, sa concierge m'apprit qu'il était mort et qu'une vieille dame de province avait hérité de ses collections. C'était L'amateur de mots par Léo Larguet.